And so please, Nikki, thank you so much for being here. Just maybe this way. It will be. This way? Yeah, but well, this is, there is a lot of things. Okay. Sorry. And please. So you will speak. And thank you so much for being here this morning. Thank you for being here. I know it's a tough week with the juries and everything, so. It's all right. Donc je la remercie évidemment d'être ici. Elle est membre du jury cette année, donc voilà, c'est une grosse semaine, mais elle me dit que c'est une semaine agréable. The first time I saw your film was when I was in a selection committee in Nancy for this film, mm-hmm. and I thought, you know, I saw the film directly, and I thought that was something I never seen before, maybe in animation, and especially about the time, the use of the time, and the you know, life passing by at one point, and you just stay there, let the shot leave. Mm-hmm. Was something really important for you to have this time in the film? Yeah, I thought it would be interesting, like as an you know, as an opposite of like a lot of animation tends to be very like because you can. It's a lot of, you know, like things very like crazy stuff happening, and it's like going very fast, like in different directions, and it's like and also since obviously it's kind of to make long scenes in animation, it also it's a lot of more work because, you know, you really want to keep it like the scenes quite short because, you know, things could happen during the work, you know, you can like accidentally move the camera, or you know, like a light could go out or something like that. So it's really good to, you know, maybe keep the scenes quite short. But I really wanted to like make some kind of film that was more a live action film, but in animation, and just see what happened. Donc, je lui disais que la première fois que j'ai eu la chance de voir Tom Hanks, c'était dans le comité de sélection à Annecy cette époque-là, et j'avais moins eu l'impression de voir quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas que j'avais pas forcément vu souvent, on va dire, dans le monde du cinéma et d'animation, et que ça m'avait vraiment marqué, et notamment l'utilisation du temps et le fait de laisser le plan vivre comme ça et de pas forcément le couper après que l'action importante soit finie. Et donc je me demandais si c'était évidemment important pour elle cette idée de temps, et elle me disait oui, elle voulait être au départ, il y avait cette idée d'être un point d'opposition avec beaucoup de choses qui se faisaient dans le cinéma d'animation, où il fallait que les choses soient, voilà, c'était un peu fou, hein, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'animation, les choses pouvaient être un peu folles, il fallait qu'on soit rapide. L'idée aussi de longues scènes est compliquée, puisque évidemment l'animation, notamment l'animation comme ça en direct, il y a toujours la possibilité, enfin, d'avoir une lumière qui s'éteint, ce genre de choses, donc c'est très compliqué, donc on préfère faire des scènes courtes de manière à être tranquille, on va dire, dans l'animation, et être plus sûr, on va dire, de ce qu'on va faire, et surtout elle voulait faire quelque chose qui se ressemble un peu plus à la prise de vue continue, et que ce soit un film qui pourrait être fait en prise de vue continue mais en animation. So why animation in the first place? Do you remember why did you choose this medium, animation? Yeah, actually I started out studying prop making, like making you know, things for film and theater. So it's like a huge interest for me to build sets and make puppets in the first place. So I kind of just wanted to do something, you know, like do something with that and like create my own, you know, little world or whatever. So I guess like the interest comes from this, the possibility to basically make your, like, make whatever kind of world you like, but like in miniature. And then also, I'm also very like into storytelling, so I thought that was a good combination of my both interests. Donc elle a commencé par plutôt créer des... Non, j'ai pas de chance. Je crois que je vais abandonner les micros aujourd'hui, ça arrive. Elle a d'abord travaillé pour le cinéma et le théâtre, hein, construire des décors, des costumes, enfin voilà, des décors, pardon, ce genre de choses. C'était un intérêt très important, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire. Et voilà, créer des décors, construire des marionnettes, c'est important. Et elle s'est dit, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça, créer petit monde, comme il dit, voilà, c'était ça quelque part, c'était créer le monde qu'on avait envie et qu'elle avait envie de mettre en place, mais aussi l'idée de raconter des histoires, c'est quelque chose d'important pour elle, raconter une histoire. Et donc, l'animation, quelque part, permettait de faire ces deux-là. Yes, but that's such an intense work. Yeah. That the moment you say, oh, why did I do that? I should have built yeah. something else. Yeah, it takes a lot of time. It does. Like, both building things and animating takes a lot of time. That's one thing I've learned. So this film, I think it took 1.5 years. And my latest film, Bathhouse, that was released in 2014, that took, I think, 2.5 years, actually, because there are so many characters and like very big sets. That film is taking place in a public bathhouse. Maybe you have a French kind of... You learn to swim. Yeah. It's kind of, yeah. And those surroundings are huge. So even though I worked with like these kind of puppets, like very tiny puppets, I had to, like, this swimming pool area was like as a tiny room, actually. Like, it was super big. So it took me a long time to build those things. Yeah. Donc, je disais, parce que dans ce moment, on ne se rend pas compte qu'il y a un peu de la folie de faire de l'animation. C'est bien que ça prend à la fois du temps, on en parlait, c'est compliqué. Mais, oui, c'était totalement construire, c'est ce qu'elle a appris. On commence à faire l'animation, c'est que, bah oui, ça prend beaucoup de temps, construire tous ces décors. Le film que vous venez voir, Tornator, c'est 1 an et demi. Et le film que vous avez vu, j'espère, en tout cas, l'année dernière, qui s'appelle Sim Hall. Place where you swim. Yeah, like but the other plant, it's in the Simhal. It's 2 ans et demi, excusez-moi. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup plus de personnages. Ça se passe en effet dans une piscine à nous, voilà. Donc on apprend évidemment à nager. Et il y avait, alors là, c'est un avance, parce qu'autant si elle travaille comme elle nous montrait avec des marionnettes, puppets, like that, des marionnettes comme ça. Par contre, les décors sont vraiment énormes et donc il y a une piscine. Qui est très grande, elle dit ça fait vraiment comme une petite pièce, donc là d'un seul coup il y a évidemment beaucoup plus de travail par rapport à ça. So that's the tour of that. You enjoy building these sets mm-hmm. and this incredible pool, the rooms and everything, mm-hmm. but then of course you have to tell a story. Yeah, of course. That. So, I'm putting a lot of effort in that as well. I think it's really, for me, it's really important that you have a really, I mean, a good story, or at least a story that you really want to tell, because, you know, it has to last for 2 years or something for the production. Because I think from seeing a lot of animation, I think that's usually like the weakest thing in anime. Like, you tend to get really stuck on the technical stuff, which is natural because it's so hard, like it's so complicated. But I think it's really good to like take the time to really develop a story or like whatever you want to say, or like it doesn't have to be like a story, of course, but I mean so that you don't just get stuck in the technical stuff. Ça tombe bien. Ça c'est en écho à ce qu'on disait aussi un petit peu ce matin. Faire ses décors, construire ses décors, mais aussi raconter une histoire. Et oui, elle met beaucoup d'efforts, elle prend beaucoup de temps pour essayer, pour raconter ses histoires, pour comprendre en fait comment elle va raconter. C'est pour elle très important parce que des fois on va rester 2 ans avec ce film, donc il faut que l'histoire qu'on raconte, qu'on a envie de raconter, elle tient dans la tête et elle va tenir le temps comme ça du tournage. Et c'est peut-être pour elle, en tout cas, ce qui est l'un des points faibles du cinéma d'animation. C'est justement l'histoire, c'est ce qu'on raconte. Et elle dit, tu prends beaucoup de temps par rapport à faire ça, et elle dit, bien attention, c'est pas forcément de raconter une histoire, c'est savoir ce qu'on a envie de dire, par rapport à un film, et pas rester, comme souvent, même si elle le comprend, parce que c'est beaucoup de travail, mais arrêter juste à la technique du film, et d'aller au-delà de cette technique-là, et c'est souvent compliqué, parce que justement, c'est complexe, et vous savez, pour une grande partie d'entre vous, c'est très long. So you wrote like really first it's a screenplay or you have an image in your head of what? For the first film, I got this very nice short story from a friend of mine, Jorin Jonasson, who's an artist, and she um, she wrote this short story like based on her work. It was like a bigger kind of artwork concerning like mental illness, basically. So she wrote this story about these two characters that might not be two, or maybe there are. It's like it's very vague, and the story is more abstract actually. So I had to make it a script or like a or a screenplay so that it worked for film. And my second film, Bathhouse, I kind of co-worked with a really nice writer a Swedish writer called Jerker Myrborg, who I just enjoyed his novels a lot because he tends to write really interesting stories that has a very like weird and kind of not pleasant atmosphere, even though nothing is really happening. Everything takes place in like very everyday surroundings, and nothing dramatic is really happening, but still there are kind of some kind of unpleasant vibe. So I just contacted him and because I read his books and asked him to make a story out of some kind of raw material that I put together from the beginning. Like I really wanted it to take place in a bathhouse, and I wanted certain characters and a certain feeling, because I'm very kind of I'm really focused on like atmospheres and feelings, I'd say. Donc, d'une manière, évidemment, l'écriture du scénario, hein, ce qui était, comme on disait, qui était important, par quoi elle commençait. Donc, elle disait que le premier Torn and Tort, c'était en fait une histoire courte. Alors, je ne me permets pas de redire les noms que vous avez entendus en suédois, parce que le suédois n'est pas excellent. Mais vous les avez entendus. C'était donc d'un ami à elle. Et en fait, c'était sur un. Elle travaille dans. C'était quelqu'un qui. C'est un peu quelque chose d'assez important, et travailler sur la maladie mentale des gens, et donc on ne sait pas s'ils sont, on va en parler évidemment après, deux ou un, enfin voilà, ça reste même assez vague, il y a un côté qui est presque un peu abstrait hein, dans le film, mais donc elle a dû écrire à ce moment-là, un scénario, vraiment un scénario, et ensuite pour le second film, donc Bathhouse, elle a dû... Elle a voulu travailler avec un auteur qu'elle aime énormément, dont elle adore lire les romans, et il a eu des choses toujours un petit peu étranges. Il y a une atmosphère qui n'est pas très plaisante, on va dire, pas très agréable, mais ça se passe dans des endroits un peu quotidiens, et c'est ça qui est étonnant, c'est le mélange entre ce côté quotidien, on va dire, et voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur Abed Simol, voilà, il n'y a pas de grand moment de dramatique, mais... Il y a quelque chose dans l'air, on va dire, et elle l'a contactée, elle avait fait une petite histoire, enfin voilà, elle avait mis des petites choses ensemble, elle voulait absolument que ça se passe dans une piscine, parce que pour elle, l'atmosphère est vraiment très importante, ces films, le côté atmosphérique est très très important dans ces films. First of all, Torn and Tort, let's go back to Torn and Tort. One of the thing was... quite amazing for me. It's like every time I see it, I put something else in the film. It's never the same. So I never thought about, you know, mental illness. For me, it was obvious that there were two of them. Mm-hmm. And then at one point you say, okay, no, of course there is only one of them. And then you switch back and go back and play with it. I think it's really interesting how the film is interpreted by and also by different audiences, because when I when I first screened this film in Sweden, I think it has something to do with that Swedish, maybe like puppets and animation. It's I think people really think of it as children's culture, or because everyone was just like laughing the whole film through. They were just like lying on the floor, just laughing like it's a rabbit, and it's like it's talking and it has clothes and stuff like that. And when I showed it in Annecy, the 2010, it was completely silent, and everyone was like, yeah, it was very Kafka, and it was like, and I really like that, it's because, you know, you can see different things in it, and it's like, I think it's nice that the interpretations are so different. Comme je disais, moi, une chose qui m'est pas dans le film, c'est vrai, à chaque fois que je le vois souvent, à chaque fois que je vois le film, j'interprète des choses différemment. Je me dis, bah oui, là, ils sont vraiment deux, bah non, il est vraiment tout seul, enfin voilà. C'est ma vision, et elle me dit, en effet, c'est drôle d'ailleurs de voir comment ils peuvent être interprétés dans les différents pays, hein, et dans les différents publics, quand elle a montré pour la première fois en Suède. Alors, elle dit peut-être que ça a à voir, bon, je disais, je pense à voir avec le monde entier, mais ça a à voir avec le côté aussi suédois des marionnettes, etc. À dire que c'est plutôt pour les enfants. Et là, le public était absolument mort de rire et par terre en disant oh, regardez, c'est un rabis, c'est un lapin, il est habillé, c'est rigolo comme tout, etc. Et voilà, il était mort de rire. Et quand elle l'a amené à Annecy en 2010 pour la compétition, tout le monde était silencieux dans la salle et à la fin, on disait c'est très kafkaïen, c'est vraiment étonnant, enfin voilà, il y a plein de choses derrière. Et donc, elle aime vraiment cette idée, en fait, de pouvoir voir des choses complètement différentes derrière le film. Still, do you have you in your head, something to, an interpretation of the film that you have, I mean, that's yours, and yeah, when you wrote it and you say it's going to be about that, and... Actually, yeah, for me, it's very clear what it's about, but that's, of course, since I adapted it from this short story, which obviously is very like focused on like maybe the pre-states of schizophrenia and stuff like that. But I mean, it's not important for me that everyone feels the same way about it. I just think it's, you know, because when you let your film go in a way, like it's for everyone else to like or not like or interpret in different ways, and I think that makes it really interesting. It's not like super interesting what I think, so I kind of, at least in the beginning, I kind of didn't want to talk that much about my own way of thinking about it, because it's not, it should be with the audience or like with yourself how you feel about it. But it means you only took a part of the story. I kind of, since the story is very, it's very abstract partly, but like, I mean, it has these two characters, and like the voiceover is kind of authentic, like that's a big part of the short story, this text. But then the ending is very, very vague, and it's a bit more abstract overall, so I had to make it work, like, for a film, basically. Donc, je demandais si, pour elle, en tout cas, au niveau du scénario, au niveau de l'écrit, c'était assez clair ce qu'il y avait dans le film. Et pour elle, voilà, il y avait une interprétation qui était, qui était la sienne et qui était celle du film qu'elle a voulu faire. Elle dit oui, il y a quelque chose qui était très clair dans ma tête. De toute façon, ça vient d'une histoire, d'une nouvelle qui pourrait parler un peu de l'état un peu avant la schizophrénie, enfin voilà, avant d'atteindre vraiment la schizophrénie. Et donc, bon, bah voilà, c'était sur ça. Mais pour elle, en fait, l'important, c'est qu'une fois qu'on laisse un film, beaucoup de réalisateurs, on laisse un film finalement partir, et ben c'est plus son interprétation qui est importante, c'est l'interprétation de tout le monde, en fait, du public. Et ce qui fait qu'elle a beaucoup eu de mal, en fait, au tout début d'en parler du film, parce qu'elle ne voulait pas non plus que ça soit sa vision qui était la bonne, et voilà, et que chacun avait évidemment sa vision personnelle. Je lui demandais donc si elle avait pris une partie seulement de la nouvelle. Elle me disait qu'en fait, la nouvelle était vraiment très abstraite. Il y avait ces deux personnages qu'il y a dans le film. Il y a surtout le texte, la voix que vous entendez, le texte est absolument est vraiment une grande partie du film. Mais voilà, le reste, elle a dû un peu le travailler pour en faire un film, hein, pour en faire un scénario, que ça puisse faire un film, évidemment, qui est de choses complètement différentes. The voice is quite important, and the actor, the tone. How did you work with that? Yeah, he's actually he's a very famous poet in Sweden, and also he writes lyrics and or I don't know if that's an English word, like, yeah, poetry basically, and also a couple of children's books, and he usually reads them himself, and it's like, yeah, he's like Thomas Tidholm. He's famous, like in Sweden. I knew his voice, and I thought it would be really nice for this film. Maybe it was a bit too. I actually thought the film were gonna be more scary in a way, and his voice is very like nice. So I think that changed the film a bit from what I thought it would be in the beginning. But I really, I really like the outcome since, yes, since, as I said, it's like some people interpret it to be scary, some people are just like very, I think they are very like comfortable with this voice, and that's why everything seems more nice, I guess. So it means that he recorded the text and you didn't say to him at one point, oh no, I want it more scary or so. No, you just... Actually, no, because I think he's such a, you know, he's such a, like, he has his thing, you know, and he's famous for what he's doing. So I really couldn't, I felt that it would be wrong to, you know, direct him in a certain way. I think he, and I also think, I actually just think that he read it in like one time and then it was like perfect. So I thought like this is what you get from him, and I think that will be interesting when thinking of it. On parlait de la voix évidemment qui est très très importante, hein, c'est cette voix, et elle dit c'est un poète très très très célèbre et très connu en Suède, hein, qui écrit avant tout des poèmes, alors peut-être des paroles, mais elle n'était pas complètement sûre, mais des poèmes et des livres pour enfants. Et donc, voilà, répétez, vraiment, c'est quelqu'un très très connu là-bas, et donc ce qui fait qu'elle connaissait sa voix. Et ça l'a surpris en fait au début, elle croyait que le film allait être plus effrayant, on va dire. Et finalement, il y a une voix qui est tellement douce, qui est tellement que le film est plutôt presque plus doux. Et ça change le film, et je lui demandais si elle était. Enfin voilà, que c'était. C'était ce qu'elle voulait, que au moment de l'enregistrement, elle n'aurait pas pu dire ben non, je veux quelque chose de justement plus effrayant comme elle voulait. Et elle disait non, c'était tout le monde est plutôt confortable, elle disait après avec la voix, et c'est ce qu'elle a senti en fait quand elle enregistrait. Elle n'osait pas trop, d'abord c'était quelqu'un voilà d'assez célèbre, et puis en fait il y a eu une prise, et la prise a été parfaite pour elle. Elle disait c'est ça qu'on peut obtenir de lui, c'est ça que je vais réussir à obtenir de lui, c'est ce ton de voix, c'est cette voilà sa tonation, et ça c'était exactement ce qu'elle voulait, ce qui lui suffisait par rapport au film. There is almost no music in the film except at the end. Yeah. Why the music at the end? Why did you choose to I'm actually I'm kind of allergic to this kind of just music that's just like automatically put on like everything, you know, like in all the films. I think it's too much music in films, or at least like music that hasn't been really thought about enough. I think this music is actually, it's Erkki Venturis. He's an Estonian composer, which he's like really famous. And this music isn't written for this film. It's like it's a very famous piece. But Hans Appelqvist, who made the sound for this film, he found this and he was just like, this is so perfect, because it really suits the events on the like in the beginning and in the end. And it's like I can't believe how like perfect that synced with everything that's happening. So I think it was, I in the first place I didn't want music at all actually, but Hans kind of convinced me that this is really good for the, especially for the ending of course, and I really think that it was a good choice. But in my latest film it's no music at all, because I kind of wanted to be, I'm kind of interested in this, because you know music tends to, you know, it puts the audience in a certain mood, and I think it's interesting when you don't get help in that way, you know, like am I supposed to be like, is this supposed to be funny or scary, I don't know. So in Bathhouse there's no music, but in my next project actually it will be some kind of musical. So then it will be like only music. So that's my relationship with music. Donc je lui demandais par rapport à la musique, évidemment, où il y en a très peu, hein, là dans ce film-là, il n'y en a pas du tout dans Sim Hall. Et elle disait qu'elle était un peu allergique à cette musique qu'on mettait un peu partout, voilà, sans vraiment y réfléchir. C'est une musique un peu au maître, hein, que vous entendez, et surtout auquel on ne pensait pas. Là, c'est un compositeur estonien, et la musique n'avait pas été écrite du tout pour le film. Mais son sound designer, enfin la personne qui s'occupait donc du son, a trouvé que ça allait vraiment très très bien avec l'atmosphère du film, surtout donc au début et à la fin. Et en fait, elle voulait pas du tout de musique au départ. Et il l'a quand même convaincu en disant ben, ça serait peut-être pas mal par rapport à l'ambiance de la fin du film, notamment de mettre un peu de musique. Et elle aime bien, elle disait, voilà, dans le deuxième, donc il n'y a vraiment pas de musique du tout, parce que ça l'embête qu'en fait la musique vous aide le spectateur et lui fait dire, ben, voilà, là tu dois être triste ou tu dois être gay, enfin tu dois être gay. Donc ça l'embête un petit peu, et elle aime cette idée que, ben, voilà, que le spectateur puisse faire ce qu'il veut, mais il y a l'idée. Alors, et son prochain film, par contre, serait une comédie musicale. Donc là, évidemment, il y aura beaucoup de musique et ça changera complètement l'atmosphère. We running out of time because yeah. I said yeah. I will leave you in 10 minutes because you have jury duty today. So my next, I have so much question then. I have to do. What about the technique? Let's talk a little bit about that. Mm-hmm. This puppet. It seemed that, you're not too fond of movement, of lip sync, of everything. You know, you don't want to make too much of that. No. And especially now in puppet animation, it's like going to almost CGI style and really having nice movement. And so you think you? Yeah, I'm very analog. But also, like, I mean, I really think that it's super interesting with what you can do nowadays. And I mean, it's like the technical stuff are like amazing, that you like the films that you see nowadays. But I couldn't like compete with that, of course. And I'm not like, I don't think that's not like the most important thing for me. I think the atmosphere and the story is more important for me in my films, and also I think it tends to be, as I said, that I'm kind of interested in working with like live action, even though it's animation. It's interesting for me to keep the animation very like low key, and not, because it's easy, you know, when you start with lip sync and stuff like that it gets a lot of like, you know, Wallace and Gromit style, that it's very like cartoonish, you know. So that's, of course, that's like it's a conscious choice. Even though this one was the first thing I ever animated. That was like these scenes are like I never like laid my hands on this kind of thing before. So this is very basic, of course. I'd like to think that Bathhouse is a little more. Nice, but yeah. No, but I think that's what I also. That's what also. That's something like I said, almost never saw. You know, it's easy always to compare to live action. But I was thinking about, and maybe you'll say, you know, critics are always trying to say things like that. But I was thinking about Ozu, you know, the Japanese director, because he's like he has shots and the life is just like passing by, and the actor don't do huge thing, and it's just like going through one I've point. I've never heard about that, actually. Really? No. Well, that you should, yeah. Yeah. That's and not because that's amazing, that's really the same thing, though. Mm-hmm. So I think, no, you should keep that. Yeah, yeah, yeah. Donc, je lui demandais parce que son... voilà, il n'y a pas de grand mouvement hein, au niveau de la marionnette, on reste dans quelque chose d'assez simple, et elle disait qu'elle était, oui, plus proche du côté analogue, hein. Même si elle trouve ça très, très intéressant, ce qu'on peut faire aujourd'hui et tout le côté technique, mais que de toute façon elle pourrait pas rentrer en compétition avec ça, et puis de toute façon c'est pas le plus important pour elle, plus important c'est l'atmosphère, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout cette atmosphère de ces films. Elle veut, encore une fois, elle répète, être plus proche de la prise de vue continue, c'est ce qui l'intéresse. Et donc l'animation est un peu en deçà, c'est pas quelque chose pour elle qui doit être le devant de la scène. Et dès qu'on se met à faire du lip-sync, par exemple, un peu comme dans Wallace et Gromit, ça peut devenir assez rapidement un peu plus cartoon dans le style. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là, c'est la première fois en fait qu'elle animait, c'était toute première scène, elle n'avait jamais animé, donc elle reste aussi dans quelque chose d'assez simple. Et moi je lui disais que je trouvais que c'était aussi ce qui faisait la force de son cinéma, c'était cette simplicité quelque part, et je comparais ça, alors comme je lui disais, les critiques, il faut toujours qu'on fasse des trucs, qu'on compare ça à d'autres choses, et donc à quelqu'un comme Ozu, le réalisateur japonais, où justement il y a cette idée de faire des plans et que la vie passe devant les plans et que l'acteur n'en fait pas des tonnes, et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on parle quand on parle d'acting absolument en animation, et que souvent les meilleurs acteurs c'est ce que je lui posais, en prise de vue réelle, finalement, les meilleurs acteurs n'en font pas forcément des tonnes. You know, when you see some live action, the actors, the great actors, don't do a lot of lip sync. You know, well, not lip sync, but not a lot of faces and everything. No. It's so subtle. It's more subtle. Exactly. And, voilà. Non, est-ce qu'il y a, parce qu'on va, on va laisser donc dans 5 minutes Nikki partir, est-ce que vous avez une question dans la salle? Oui. Vas-y, je suis désolée, il faut que tu parles un peu plus fort. Par rapport à la voix, elle disait donc que ça avait un peu changé. Enfin, ce n'était pas la voix qu'elle pense au début, mais du coup, ça a un petit peu changé. Mais est-ce que malgré tout, c'est resté dans l'esprit de son film? Parce que c'était pas ça, c'était pas vraiment ce qu'elle avait prévu. But the voice, you know, you said maybe it's not really what you were thinking about, maybe more scary, like you said, but it's still for you. Something that I mean, your film is still the same for you. It's still the same from the beginning, you know. I'd say. I mean, it's. I really when thinking about it now, I really it's hard for me to imagine another voice. I mean, maybe if the voice would have been more unpleasant, that it would have been like too much in that direction. So I'm actually like. Now, after I feel very like, I feel very comfortable with this choice and that it's that it is comfortable even though the story is a bit shaky. Elle est contente, voire même aujourd'hui elle pourrait pas voir un film avec une autre voix que celle-là. Et si même la voix avait été dans le sens donc d'être pas agréable comme elle voulait presque au début, ça aurait peut-être été trop justement. Et au contraire là elle est vraiment contente finalement de ce du choix qu'elle a fait et elle verrait quasiment pas le c'est vraiment son c'est vraiment ce qu'elle fait. Last question. Is it difficult for a director to go in a jury and to try to pick other films saying well that's the best one and that's the best one, or do you like that? I kind of like that. I think it's I often have a lot of opinions about a lot of things, so this is really nice for me actually. But I it's really hard because you know you can see like, of course a lot of I think it's really hard to compete in this because there are so many films that are really good in their own ways and it's like it's really kind of not fair to put them like. Yeah, in some kind of competition context, but I mean you have to make choices and I think it's been like a really it's really interesting and the other two jury members are really nice to work with and I really enjoy that it is a female jury this year. I think it's interesting even though it has only been maybe you know one female director in each program, so it's not many female directors, but it's nice to have a female jury. But yeah, I'm really enjoying this actually. I think it's awesome. Donc je demandais dans un jury c'était pas compliqué être réalisateur et juger d'autres réalisateurs et elle disait non qu'elle aimait bien ça après tout, c'était plutôt pas mal, qu'elle avait beaucoup d'opinions sur plein de choses donc ça l'intéressait plutôt d'en parler, même si en effet c'est toujours compliqué de faire des films, être en compétition les uns avec les autres, parce que chacun avait été bon des fois chacun de leur manière, donc c'est vraiment pas évident. Mais elle disait, donc c'est peut-être injuste, mais il faut faire des choix. Donc elle trouvait ça intéressant, sauf que les deux autres membres du jury, qui sont deux femmes, c'est plutôt intéressant. Enfin voilà, ça se passe bien avec elle. Et même si elle aimait bien cette idée de jury complètement fait avec des femmes, même si finalement, quand elle regardait dans chaque programme, il n'y avait qu'un seul film réalisé par des femmes, donc il y avait finalement peu de films de l'autre côté, du côté des réalisatrices, mais beaucoup de jurys. It's strange, and it will be my last question. It's strange because, it's not strange, but yesterday, Florence Millay, who was there with Crystal Donner, you know, that's the one, said she didn't felt really comfortable about all the women, you know, theme, and she said, of course, we have to fight a lot again, for women rights, you know, in animation, because like you said, there is few directors, one of them, and she said, but it's always strange to do, you know, and maybe she hopes like, okay, it's good for this year, but hoping that next year is there is still a lot of women in the juries, and it's not only, you know. No, because this is more. I guess this is a statement, and it's a really good statement. I think that just showing that this is possible, and that there are so many really great like female animation profiles and stuff like that. But of course, I mean, it would be. great if it could just be like a bit more like equal in general, like all years. But I'm really I really think that this is a good statement, and I'm also like I forgot to say, but I'm really impressed by the films this year. I've seen a lot of great stuff really. So yeah. Donc je disais que bah, hier Florence Mirai était elle un peu moins confortable on va dire avec ce thème sur sur les femmes qui est le thème principal de cette année et elle disait que elle disait non que cette importance alors ça, je vais avoir trouvé un statement aidez-moi enfin un discours enfin voilà c'est quelque chose d'important à dire on va faire ça des fois faut savoir et cette importance et ça montrait aussi qu'il y avait beaucoup de femmes de profils de femmes complètement différents dans le monde de l'animation alors ça serait intéressant évidemment qu'il y ait plus d'égalité par la suite mais c'est vraiment voilà c'était vraiment quelque chose d'important et que c'était encore une fois un discours c'était quelque chose qui était annoncé qui était dit et ça c'était important et elle disait surtout qu'elle était très impressionnée aussi par les films qu'elle qu'elle avait vus dans la compétition et voilà c'était très impressionnée. And when will be your next film? When are we gonna be? Yeah, I'm just about to, I'm in the pre-production of my next film, so maybe like in a year or two. Hopefully in a year, but it depends on a lot of things like funding and stuff like that, of course. Yeah. Donc je me demandais quand est-ce qu'on avait la chance de voir peut-être son prochain film et elle disait bah peut-être allez elle est en pré-production donc un an puis après elle se reprend enfin deux ans peut-être un an enfin bon elle espère quand même un an mais ça va évidemment dépendre beaucoup du financement. Thank you so much. Thank Merci you so beaucoup. Much.